Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes, donc jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéo. Alors aujourd'hui une émission un peu spéciale, je vous l'avouerai, mon collègue Manuel n'a pas pu être présent pour l'enregistrement de ce podcast, mais ce n'est pas grave, j'espère que je vais réussir à vous suffire, mais je ne suis pas tout seul comme à chaque fois. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Mehdi Debabi Zourgani, qui co-anime le podcast tout à fait recommandable « Je game, moi non plus ». Et aujourd'hui, un thème qu'on a évoqué juste par petites touches il y a un an, tout pile. On a conclu le podcast sur le pourquoi on joue avec Jérôme Larré, donc, qui est auteur et critique de jeux de rôle, et on ouvrait la question d'ouverture, enfin de fin plutôt, c'était la notion d'élégance qui va donc nous travailler aujourd'hui. Donc la notion d'élégance ici ne va pas prendre la forme de quelque chose de classe ou je ne sais pas qui pourrait ressembler à James Bond ou n'importe quel de vos héros favoris. Non, ici il s'agira plus de quelque chose qui relève de la profondeur, du rapport entre la profondeur d'un jeu, l'ensemble des choix et qui font sens, et la complexité du jeu. Donc ça, par exemple, le but serait pour faire le jeu le plus simple possible, avoir un niveau de richesse donné, et un jeu qui est le plus riche possible, avoir un niveau de complexité qui est donc à sa mesure. Alors là c'est une définition, il y en a peut-être d'autres, et c'est justement pourquoi ça a sa place, la discussion de la notion d'élégance a sa place dans l'udologie. Bonjour Mehdi, super, je suis très content de t'avoir pour ce podcast. Et donc, peut-être toi, comment tu vois la notion d'élégance dans le jeu ? Forcément, vaste question. Y a toujours l'idée de revenir et la tentation de revenir à une définition qui a un bon point de départ, mais en rassurant les auditeurs de l'udologie, c'est pas non plus de faire une espèce de cours magistral. Très généralement, on va avoir des mots-clés comme plutôt de l'ordre de l'harmonie, de la symétrie, de la facilité, voire de l'aisance, que ce soit dans la forme ou dans les mouvements, quand on va penser à l'élégance. Après, même cet élément-là, évidemment, il peut être discutable. Bon, ça, on le retrouve dans les beaux-arts, on le retrouve dans l'écriture, et on le retrouve en l'occurrence dans le jeu vidéo, parce que c'est ce qui va nous intéresser. C'est la spécialité, oui. Oui, voilà. Mais c'est en tout cas, c'est en tout cas aussi ce qu'il y a de très discutable, et je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as invité dans la dimension très galvaudée à la fois du terme d'élégance et à la fois de la vision, de la notion d'élégance dans le jeu vidéo. Donc moi, comment je verrais, je ne le verrais pas. J'aurais envie de me dire que l'élégance serait une espèce de point aveugle qui à chaque fois me surprend, comme tous les bons jeux justement. Alors c'est-à-dire quel est cet angle mort qui te surprend C'est-à-dire que je ne m'attends pas, que je n'ai pas quelque chose qui dans l'ensemble, que ce soit dans l'alliance fond et forme, en voyant un jeu me fasse me dire ah oui voilà, il y a quelque chose d'une élégance qui va se dégager. C'est en étant pris justement dans l'expérience de jeu de me dire ah oui, effectivement là se dégage quelque chose. Ne pas isoler en fait finalement une espèce de tampon de marquer un jeu comme étant élégant, comme faisant preuve d'une certaine élégance en amont, je dirais presque. C'est vraiment dans l'expérience de jeu déjà que ça me paraît essentiel de parler d'élégance pour pour un jeu vidéo et presque en règle générale. Et un jeu tout court d'ailleurs, parce qu'on est à ludologie quand même. Oui, c'est vrai. Il faut rappeler que là, ces questions-là peuvent aussi se poser sur du jeu de société. Moi, je sais que par exemple, en réfléchissant donc, sur ce podcast, je me suis demandé par exemple quelle était la différence d'élégance entre le poker et les cartes Magic. Oui, c'est une bonne question parce que alors certes le poker est quelque chose de complexe qui a une certaine richesse, mais par rapport au par exemple aux cartes Magic, à n'importe quel jeu de cartes de ce type-là, on remarque quand même justement ce fameux rapport entre la profondeur de jeu sur tous les choix qu'on peut faire pour battre son adversaire et la complexité de comment on parvient à ce but. Comment toi tu le ressens, Mehdi? Là, si l'exemple que tu as pris est assez pertinent, là où va se jouer la question de l'élégance, pour prendre l'exemple des cartes magiques et du poker, à mon sens va plus se faire dans une espèce de code et de logique assez sociale, au sens plutôt normal. Mais justement le poker, tu parlais d'élégance toute James Bondienne, bah justement que ce soit dans les casinos royales ou autre itération de James Bond, on a souvent le poker qui pop parce que ça renvoie à cette dimension très très bling bling, très hautement valorisée socialement, là où les cartes Magic, même si j'ai été longuement un grand aficionados, bah c'est de la vague culture pop teintée de fantasy, etc., dans le regard de, on va dire, d'une moyenne ou de personnes lambda, même si on a vu avec les décennies passées que les notions de culture geek et compagnie ont un peu changé la donne à ce niveau-là. Donc évidemment que les possibilités, alors là je ne serais pas du tout dans la dimension mathématique me dire combien de possibilités en comparant le poker au Magic, mais quand on voit les nombres d'extensions, je ne saurais même plus les compter, hein. Moi j'ai dû m'arrêter aux alentours des éditions Starter, un peu après Mirage ou ces choses-là. Je connais très mal les cartes Magic. Ah bon, bah voilà, ça parlera un petit peu plus aux aficionados qui ont joué à auditeurs de ludologie. Mais donc l'élégance, je sais pas si c'est comparable, c'est-à-dire qu'il y a une abstraction une fois qu'on a intériorisé les codes, les fameux engager, dégager, les cartes qui permettent de dégager d'engendrer cette fameuse énergie qui est la mana. Après, c'est tout l'univers dans les cartes magiques qui va se dégager, qui n'existe pas dans le poker, c'est-à-dire toute cette dimension formelle, tout le plaisir, je dirais, visuel et esthétique des cartes magiques et du folklore de chaque, que ce soit les faunes, que ce soit les bêtes des marais ou que sais-je, qui renvoie à plein de mythologie du monde entier, que le poker n'a pas. Dans le poker, il y a quelque chose de, entre guillemets, assez aride finalement, visuellement. Oui, alors effectivement, tu parles de au-delà des mécaniques. Moi, je pensais surtout, par exemple, aux phases de jeu. Alors bon, comme je disais, je connaissais assez peu les cartes Magic, mais j'ai quand même joué là justement très récemment. Et ne serait-ce que dans les phases de jeu, on remarque que les cartes Magic se découpent en 4 ou 5 phases, tu me corrigeras si je me trompe, et donc du coup où on peut donc attaquer, se protéger, placer donc effectivement des cartes qui vont donner de l'énergie, si on peut résumer comme ça, des terrains, voilà, exactement, donc d'engendrer les manas qui vont se dépenser ensuite, alors que la phase de poker est très très binaire ou ternaire en tout cas dans son approche. C'était plus dans ce sens-là que je pense, parce qu'il y aurait peut-être, on peut imaginer ça, on peut postuler ça, qu'il y ait une élégance du système et une élégance de l'environnement avec tout ce que tu as cité, donc la narration, mais aussi les visuels, le méta-jeu, l'aura sociale qu'a le jeu. Oui, bien sûr, là je nommais vraiment plus d'élégance dans une logique aussi c'est un peu fourre-tout, mais toute pop culture qu'elle est, c'est-à-dire la dimension vraiment d'univers étendu, d'attrait pour effectivement l'expérience de jeu, mais aussi les imaginaires qui s'en dégagent. Et en l'occurrence, les cartes Magic sont un assemblement très chouette, et j'oserais le terme limite élégant. élégant en l'occurrence, parce qu'on a quelque chose dans la forme, on a une valeur même ajoutée sur les cartes qui sont chacune illustrées, avec un parti pris de différents illustrateurs justement, donc et pourtant tout ça tient finalement, même si on n'est pas fan de tel illustrateur, on n'est pas pour autant ennuyé par le fond définitif du jeu de cartes, on n'est pas impacté parce qu'on n'aime pas un illustrateur, on restera, on sait que la carte, ce qui va être essentiel, c'est son contenu dans la zone de texte et les données du jeu. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée d'un ensemble que je considérais plutôt les cartes Magic. Après, c'est à l'inverse de toi, c'est plus le poker que, sur lequel j'aurais moins de connaissances. Ouais, alors effectivement, le poker, je connais comme beaucoup la version grand public. Je crois que c'est Texas Hold'em. Je pense que Yann Chauvière me corrigerait si je me trompe. Et dans ce cas-là, je vous invite en tout cas à écouter le podcast sur les mathématiques. Donc le titre de mémoire, c'est « Faut-il être bon en mathématiques pour être un bon joueur ?» Voilà, y a plein de choses à apprendre sur les jeux de cartes, et donc voilà, je vous le recommande. Revenons à notre sujet, quelle élégance. La question se pose aussi beaucoup dans le jeu de rôle, puisque profondeur et complexité semblent quelque chose très intimement lié au jeu de rôle, que ce soit papier ou virtuel. Puisque là, nous sommes dans la création de narration. Alors, une narration sans doute parfois plus libre sur le papier. Quelle est ta vision des choses, toi, Mehdi, qui connais bien notamment, je crois, les JRPG, il me semble. Oui, alors, bon, là, c'est vrai qu'il y a deux éléments. Je vais peut-être parler de celui que je connais le plus. En ce qui concerne les jeux de rôle, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans un autre registre que pour les jeux de cartes comme Magic. Ajouter la dimension. Mais là, je pense qu'il y a de bien plus grands connaisseurs que moi pour en parler, donc j'emboliserai pas une émission là-dessus, mais qui va être la dimension d'identification et de confiance faite au maître de jeu, entre autres, bien qu'il existe bien des formes de jeux de rôle différents. En ce qui concerne donc les jeux vidéo, en tout cas créés au Japon, puisque là aussi il peut y avoir souvent le raccourci de langage de dire jeux vidéo japonais et de un petit peu emballer tout comme ça, ça renvoie plus à mon sens, enfin moi c'est ce qui m'intéresse aux notions de code et de normes d'élégance. Quand on va penser l'élégance, on va plutôt penser à notre niveau, on va dire, avec une dominante occidentale finalement, avec peut-être un peu de chance parfois des cas de figure originaux avec des influences croisées venant d'autres lieux, et puis on va avoir aussi des cas il va être question justement de sortir de l'Occident, de vision un petit peu orientaliste, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment ce qu'est l'élégance nécessairement vue par des personnes habitant dans des pays dits de l'Orient. Je vais essayer de prendre un exemple très très concret. On va prendre le cas du peintre de la Croix qui à son retour d'un voyage ou d'une excursion en Afrique du Nord avait fait une représentation justement de, s'il me semble bien, le pays du Maghreb, avec une dimension très romantique qui était la sienne, hein. On a notamment sa fameuse illustration de la prise de Bastille, alors vous imaginez ça fusionné avec l'élégance qu'il se faisait de l'Orient. Tout ça pour dire que finalement on a un cas de figure qui est assez intéressant, c'est finalement le cas de l'horreur dans le jeu vidéo japonais, pour revenir justement au jeu vidéo japonais, et on a souvent une notion qu'on retrouve qui n'est pas exclusive, hein, ce serait pas limiter non plus l'horreur japonaise à ça, mais qui est la notion de eroguro, par exemple, que moi je trouve assez intéressante, qui est une contraction entre érotique et grotesque. Donc on retrouve souvent ça typiquement dans pas mal d'œuvres comme des mangas qui ont beaucoup creusé cette veine-là, ou des films comme Ring et ainsi de suite. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce qui est intéressant dans ces œuvres et qu'elles plaisent au-delà des frontières, c'est qu'il y a quelque chose dans la notion d'élégance telle qu'elle est admise, là encore une fois je caricature un petit peu, je simplifie, en Occident, c'est que ça va au-delà de ça. Et pour terminer sur ce point-là, il y a un ouvrage qui se pose la question de manière très intéressante, en fait, qui a un essai qui a été écrit par un japonais qui s'appelle Tanizaki, qui s'appelle Éloge de l'ombre. Et en gros, le postulat de l'auteur dans Éloge de l'ombre, il y a quelque chose justement autour de la notion d'élégance où il explique qu'est-ce qu'il en aurait été, une espèce de fiction d'anticipation, enfin de, on va dire ça comme ça. Imaginons, et si toutes les notions de base de la photographie, de l'image et des arts, et surtout de la photographie, il insiste beaucoup sur la photographie, avait été déterminé par le biais de, on va dire, de corps et de grains de peau asiatiques, et en l'occurrence il pense au Japon évidemment. Ça aurait changé tout notre rapport à la lumière, par exemple. On n'aurait pas considéré le développement de la photo de la même façon que s'il a été développé sur des visages, des prises de photos caucasiens et caucasiennes. Donc voilà, moi dans le jeu vidéo, c'est ce que dans les jeux vidéo japonais, pour faire simple, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce renversement justement de la norme, dont même les Japonais, je pense, lorsqu'ils sont interviewés, ne sont pas conscients, parce que eux-mêmes sont empreints justement des influences occidentales. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais j'espère, en tout cas. C'est en tout cas une réponse très très riche en informations et en connaissances. Revenons peut-être justement à cette différence géographique. Par exemple, pour en revenir au cas du jeu de rôle sur lequel je t'avais lancé, sur lequel on a dérivé, je lisais il y a récemment un blog qui s'appelle Limbic System, qui est tenu par Frédéric Sainte, j'espère que je n'écorche pas son nom, et qui avait une vision assez intéressante de ce qu'on pouvait faire dans un jeu de rôle et comment il fallait l'adapter, justement, pour que ce soit élégant. Par exemple, ça peut être un choix, les choix prévus, les choix adaptés selon la situation, les choix optimisés ou qu'on peut aussi appeler choix tactique, les choix formels, où voilà, en fait, c'est juste pour la forme que vous avez le choix, et enfin les choix ouverts qui vous laissent libre d'interprétation. Qu'en est-il au Japon, justement, où il y a cette vision très différente du RPG, et peut-être ça pose la question de quels sont les codes qui font un bon RPG au Japon, qui sont sans doute différents de ceux en Occident. En fait, ça me renvoie presque à une autre question, c'est de me demander est-ce que les différentes possibilités offrent de jeux de rôle tels qu'on les connaît, on va dire au minimum en Europe et peut-être en Amérique au sens étendu, est-ce qu'elles sont existantes? Alors je sais pas si tu le sais ou pas, au Japon. Je ne sais pas. Il y a des rôlistes tels qu'on l'entend. Je sais que le phénomène, je ne prends que lui, mais c'est pas le seul. Donjons et Dragons a un peu touché partout dans le monde, et c'est même pour ça qu'il y a eu des itérations dans des créations au Japon de jeux vidéo, ce qu'on appelle des beat'em all, donc ces jeux où on progressait en tapant un peu sur tout ce qui bouge. Je me poserais déjà presque cette question avant même de dériver sur le jeu de rôle en vidéoludique japonais. C'est une très bonne question et je ne saurais pas te répondre, tout simplement parce que le jeu de rôle papier est un tel marché de niche que je pense qu'il n'y a pas de traduction de jeu de rôle japonais. C'est vrai que je ne pensais pas à cette base qui est souvent déterminante. Oui. Ouais. Au niveau commercial, voilà, c'est sans doute un suicide commercial que de traduire un jeu de rôle papier japonais s'il y en avait, je pense. Après, ta question, c'était qu'est-ce qui fait un peu le caractère unique des jeux de rôle japonais en jeu vidéo, en tout cas. Exactement, effectivement, c'est ça. Ouh là là, là ce serait, même avec une émission dédiée à cette seule question, ce serait assez monstrueux à essayer de répondre. Très sincèrement, la dimension unique, elle tient, bah, elle, elle tient pas à pas grand chose, au sens, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que les influences, parfois même dites occidentales, sont clairement logées dans des jeux de rôle qu'on dit japonais. Donc déjà, je pense que dans l'usage même de termes, beaucoup de gens vont se dire que les productions vidéoludiques japonaises sont typiquement japonaises, ces fameux classiques où on dit « Ah, ça ne peut exister qu'au Japon » et ainsi de suite, alors que finalement, très régulièrement, quand on creuse un peu, c'est un conglomérat d'influences, on va dire, soit moite-moite, voire majoritairement occidentales, réinterprétées par des Japonais. Après, la tendance à l'heure actuelle s'inverse un petit peu, quoique les dirigeants, je pense, continuent à être des Japonais, avec toute une vague d'expatriés qui vont pour travailler au Japon depuis quelques, je dirais, décennies. Mais je sais pas s'il y a vraiment une spécificité, parce que ça, c'est un débat qui agite les jeux vidéo depuis des dizaines d'années, mais je ne saurais pas vraiment si c'est le cas, s'il y a une dimension si unique. Alors, que ça, en fait, je pense que la question se pose justement maintenant, quand on voit émerger des jeux comme Dark Souls. J'ai oublié le nom du studio qui a développé ce jeu, From Software. Voilà, From Software, qui donc dans son apparence a des codes très occidentaux. On est sur du registre médiéval, fantastique, à tendance gothique, et pourtant c'est réalisé donc par des Japonais. Justement, ça peut-être repose la question de qu'est-ce qui fait le sel de ces jeux-là. Après, très sincèrement, si on creuse, que ce soit sur les RPG ou ailleurs, la réinterprétation des fois un peu fantasque d'univers gothique-élisabétain-dark fantasy existe depuis très longtemps. Moi, je suis mal placé parce que je pourrais pas remonter comme certains qui ont une connaissance encyclopédique du jeu vidéo ou du RPG japonais. Mais j'ai des exemples de jeux comme Baroque sur Saturne, qui prend une iconographie qui est vraiment très inspirée de cette dimension fantasy, voire de la réinterprétation des Japonais eux-mêmes de Baroque. Donc des exemples comme ça, je crois, je serais pas étonné que même sur les consoles, les toutes premières consoles de salon japonaises, on avait déjà, dès que les visuels le permettaient, à minima, parce que ça passe quand même essentiellement par là, que ça existait déjà. Non, effectivement, alors pour le coup, je ne le faisais pas. En fait, c'est ce qui est visible, effectivement, c'est ces influences européennes, mais dans les mécaniques. En tout cas, c'est une impression. Alors, je ne connais pas du tout le sujet, c'est pour ça que l'on t'a invité avec Manuel, même s'il n'est pas là. C'est qu'il semblait y avoir une patte, ne serait-ce que dans des combats tour par tour, alors que par exemple, Dark Souls, c'est un combat en temps réel, enfin, en tout cas, simili-temps réel. Mais qu'est-ce qui renvoie, pour recadrer justement au sujet, qu'est-ce qui renvoie dans ton questionnement à la notion d'élégance, finalement, par rapport à tout ça? La question que je me posais était, est-ce que par exemple, par rapport aux critères d'élégance au Japon, est-ce que Dark Souls ne fait pas un peu l'effet sale gosse, entre oui, guillemets? Oui, pour pas dire tâche, osons les mots. Oui, c'est ça. Oui. C'est une bonne question. Alors j'ai pas forcément, et puis c'est pas nécessairement la manière de la plus optimale de raisonner, mais j'ai pas forcément de chiffres en tête. Je pense qu'il a davantage fonctionné en Occident qu'au Japon, mais après, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, finalement, sur les représentations. C'est toujours une histoire de code, parce que je vais prendre un autre exemple qui est un peu moins connu et qui a remporté beaucoup moins de succès, qui est un jeu qui s'appelle El Shaddai. Et donc ce jeu qui reprend les chroniques du roi Enoch, donc des influences judéo-chrétiennes, avec lequel le meilleur ami du héros n'est autre que Lucifer, avant, je crois, sa descente, sa destitution par Dieu lui-même en tant qu'ange. Et le jeu, même s'il n'a pas été bien vendu, avait quand même une dynamique toute toute japonaise dans certains codes. Il y avait ce qu'on appelle, par exemple, il y avait une élégance du côté de ce qu'on appelle les bishonen, c'est-à-dire ces beaux jeunes hommes très, très effèbles et cette espèce de relation avec limite une tension plus ou moins sexuelle entre les deux, ce qu'on appelle aujourd'hui, avec la sortie de Final Fantasy XV à venir, une bromance, qui se terme lui-même. Alors ça, c'est très intéressant, parce que le terme de bromance, il a été repris suite à une interview des créas japonais de Final Fantasy XV, suite à l'évocation par un journaliste américain. Donc il y a quelque chose comme ça d'une vision très à l'échelle japonaise, très romantique, très de l'amitié ou des représentations. Et donc ce que je voulais dire pour revenir à Dark Souls et El Shaddai, c'est que dans certains cas, bah, peut-être que ça fera moins tâche, parce que ça renverra à des codes de la pop culture. Là notamment, je parlais des bishonen qu'on retrouve dans les séries d'animation japonaises, qu'on retrouve dans les mangas, qu'on retrouve dans nombre d'œuvres de la culture japonaise, donc où il y a des codes qui peuvent être quand même reconnaissables et parlant aux japonais. Mais dans le cas de Dark Souls, je te rejoins. Moi, je me pose la question, est-ce que le joueur japonais lambda, ça va être parlant pour lui? Je ne sais pas, j'aurais envie de tenter la réponse, j'en doute. Mais c'est pas un jeu, justement, c'est très curieux le cas Dark Souls, parce que c'est un jeu mainstream qui finalement a une dimension et une inspiration très niche, parce que on parlait justement d'univers fantasy, de choses qui aux yeux des Japonais sont quand même vues comme assez assez bourrin, assez bon. Voilà. Après ce serait des considérations un peu faciles, mais je pense, oui, je te rejoins dans l'idée que le jeu ne renvoie pas à un imaginaire commun et partagé d'élégance pour les Japonais. Je précise bien, les Japonais lambda, quoi, si on faisait une espèce de micro trottoir, pour faire simple. Ah non, c'est intéressant, parce que tu me rappelles une lecture que je suis en train de faire actuellement, un papier qui s'appelle Envahissement urbain et transformation identitaire de David Javet, qui en fait parle de la diffusion de ce qu'ils appellent du Cool Japan. Ah oui, quelle horreur, ce truc. Ah, c'est une catastrophe. Ouais, enfin, peut-être donner la référence de l'article s'il est trouvable, mais il y en a de nombreux. Ouais. Si vous tapez, il y a un article aussi d'une personne qui s'appelle Sophie Dast, comme ça se prononce, D-A-S-T-E, qui dénonce justement les méfaits du Cool Japan. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu, peut-être que tu pourras repréciser. Non, c'est fait pour donner la référence. Vous pourrez trouver ça dans un livre qui s'appelle Pouvoir de jeux vidéo, des pratiques au discours. C'est aux éditions Infolio. Et enfin, effectivement, il disait que, bah, par exemple, le succès de Pokémon, tiens, un autre RPG mais très différent de Dark Souls, a permis une sorte d'essor d'une certaine culture, alors que, bah, en fait, les créateurs originaux se sont très vite détachés de cette image. Mais ton exemple du Cool Japan est vraiment, ça va être une bonne illustration. J'aurais même dû y songer pour illustrer. Déjà, d'expliquer assez brièvement ce que c'est, ça a été et ça reste une espèce de politique, du politique et de la politique, qui vise à promouvoir, comme son nom l'indique, des œuvres de culture pop japonaise, avec une dimension de coolitude ou de cool attitude, et en l'occurrence en masquant totalement. C'est comme si finalement dans la culture populaire occidentale, je vais beaucoup me répéter, mais pour faire un raccourci, on va dire, allez, mettons européenne ou anglo-saxonne, on ne faisait que diffuser les trucs qu'on sait comme marchand niveau même et compagnie. C'est comme si on avait que des œuvres à base de chats mignons ou de bébés qui rigolent dans toutes les œuvres de la pop culture. Le Cool Japan, c'est un peu de ça, et la grosse problématique de cette politique là c'est que elle masque toutes les nuances et toutes les œuvres qui pensent hors les murs, qui pensent des modèles, bah, justement, d'élégance, de beauté, d'esthétique qui sont pas forcément, enfin voilà, toutes ces œuvres qui justement poil à gratter sont complètement seront jamais promus par cette dimension de Cool Japan, quoi. Et je me rends compte que c'est très étrange que je n'y ai pas pensé plus tôt. Quel serait l'inverse de la notion d'élégance? Je sais que c'est une question très vaste, mais ça pose la question, puisque là on est en train de parler de ce qui se détache de l'élégance. Ça revient à ce que je à mon niveau, ça revient à ce que je disais au tout début quand on a amorcé l'émission. Est-ce qu'on peut définir un inverse, sachant qu'on est saisi sur le moment par un objet ou une personne, justement, où on va décréter s'il s'agit, si elle est ou si l'objet est, comme faisant référent à une élégance. Donc je sais pas qu'est-ce qui serait l'inverse, peut-être dans le champ sémantique des choses qui renverraient au rejet, à l'asymétrie, mais là encore, c'est-à-dire que c'est vraiment des notions qui se déterminent au cas par cas, c'est-à-dire ce qui peut-être moi va me paraître extrêmement élégant d'un point de vue d'une dimension d'une charte graphique ou dans une expression acoustique ou quoi que ce soit va paraître super dissonante ou visuellement affreuse pour quelqu'un d'autre. Donc je sais pas s'il y a une définition, si on peut mettre une espèce de définition, un antonyme, une définition inverse à l'élégance. Mais tu avais une idée peut-être pour en revenant justement à déterminer l'idée inverse. J'aurais dit ouais le quelque chose de l'ordre du rejet, du dégoût. Effectivement, j'aurais rejoint ça. Mais enfin en tout cas pour résumer cette première demi-heure donc de podcast, si je résume bien donc la notion d'élégance. Pour l'instant, on partirait sur quelque chose, une sorte de d'harmonie, donc peut-être visuelle, littéraire, en matière de gameplay, etc. Socialement valorisé. Hein, je répète vraiment. C'était une tentative de définition de justement comment elle est généralement partagée dans l'imaginaire collectif cette notion d'élégance. Mais l'idée, c'est justement un peu de réfléchir au-delà de ça. Et là, tu parlais d'une définition inverse de l'élégance en parlant de notion de dégoût et de rejet. Je vais prendre un exemple très concret dans le jeu vidéo pour revenir justement au jeu. La série des Silent Hill, en termes de rejet, en termes de forme non harmonieuse, etc., c'est un peu le top, pourtant il y a un nombre de suiveurs, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, en France ou que sais-je, dans le monde, de cette série complètement fou. Il y a des gens qui ont été découvrir la notion, justement, qui en sont venus à s'interroger sur la notion d'élégance et de beau. En découvrant justement Silent Hill, en allant chercher, c'est beaucoup de gens qui disent avoir découvert Francis Bacon en faisant des parties de Silent Hill, en cherchant les références, les inspirations et tout le discours qu'il peut y avoir justement au niveau de l'art et des arts. Quoi. Alors je suis pas d'accord justement sur cette notion. Je trouve que Silent Hill justement a une certaine élégance dans le sens où je vais reprendre quelque chose que j'ai trouvé chez Frictional Games. Je crois que c'est Thomas Grip et Adrian, je ne sais plus comment, qui distinguaient donc quatre strates au design narratif et symbolisait bien la notion d'élégance. Eux, en fait, ils distinguaient une première strate qui était le gameplay, ce que le joueur doit accomplir des choses, les buts narratifs. Il doit comprendre et accepter des objectifs à court ou moyen terme. Ensuite, la narration, le background, en gros l'univers qui va se dévoiler au joueur et que le joueur doit dévoiler aussi. Et enfin, ce qu'ils appellent le mental modeling. En fait, voilà, le jeu doit fournir une connaissance et une vision du monde. Et pour moi, justement, Silent Hill, enfin en tout cas ce que j'ai pu en faire, donc c'est le premier épisode et un tout petit bout du deuxième, semblait proposer en tout cas une harmonie dans ces quatre strates, dans le sens où le gameplay est rigide, mais en même temps les buts sont montrent une certaine rigidité, une certaine froideur, et qui va influencer aussi le background, et après avoir un message total que pour l'instant moi je n'ai pas encore découvert, mais que je pense que beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses ont l'air d'avoir découvert. Oui, mais c'est peut-être par rapport à ta base de référence. C'est-à-dire, l'idée n'est pas non plus de se faire mousser mutuellement, mais l'exemple que je t'ai donné de personnes qui ont découvert Francis Bacon via Silent Hill, c'est peut-être des personnes qui n'auront pas tes référents culturels ou tes connaissances ou ta réflexion à la fois en termes de game design ou à la fois en termes des arts ou de questions des normes et ainsi de suite. Et c'est là où je trouve que justement le fait de d'amener à penser sur la notion d'élégance ou de beauté sans que ça soit une espèce de dimension didactique par le simple pratique du jeu, c'est quand même fascinant. C'est assez extraordinaire, les personnes qui sont interrogées sur la notion de la mort qu'habituellement ils voulaient peut-être mettre à distance, ou après il y a des cas de personnes qui ont mis totalement à distance Silent Hill ou d'autres jeux type Survival Horror entre autres parce que ça renvoyait il y a des choses trop fortes, mais voilà. Et là, globalement, je parlais beaucoup de représentations finalement visuelles, esthétiques de l'ordre des corps, mais ta réflexion m'amène aussi à un autre point qui me touche beaucoup et qui permettra de recouper avec, même si je n'y connais rien, et j'espère que tu m'aideras plus que ce que je pourrais apporter moi, mais plutôt à la notion des interfaces. Jusque-là, je parlais plus d'élégance, c'était de la question de l'élégance autour des corps, mais il y a aussi l'élégance ces interfaces, on la retrouve beaucoup dans le jeu vidéo, mais évidemment dans le jeu de société elle est très palpable, que ce soit le design d'un plateau, le rythme d'un maître de jeu dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi tient aussi une certaine élégance. Et là du coup ça me permet de faire le pont entre élégance des corps et élégance de l'interface qui disparaissent, c'est-à-dire quelque chose de très curieux avec le maître de jeu, parce que c'est d'une certaine manière c'est en étant le plus discret et le plus présent à mes yeux, hein, avec ma maigre expérience de pratiquant de jeu de rôle, qui sera à mes yeux une réussite en tant que maître de jeu. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses déjà. Moi ce que je disais justement c'est un alliage de tout. En fait ce que tu voyais comme dissonant dans Silent Hill, l'horreur, etc. Je veux dire quand on va sur un jeu d'horreur, que ce soit jeu de rôle, jeu de société ou jeu de plateau, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on va frissonner, qu'on va avoir du dégoût quelque part, de la peur et du dégoût. Et donc justement, s'il arrive à créer une harmonie entre ses règles de jeu, son univers littéraire, graphique, etc., ça ne peut que fonctionner a priori, et ça en fera un jeu élégant. C'est comme ça que je voyais la chose en fait. D'accord, c'est plus en gardant le cap l'idée d'un facilitateur de l'expérience de jeu au sens large quand même. Oui, effectivement, après selon le jeu, selon si c'est jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de société, effectivement il va y avoir une interface qui elle aussi doit répondre, effectivement, qui fait partie intégrante du jeu, puisque quand on achète un bouquin de jeu de rôle, ou quand on achète la dernière œuvre d'Antoine Boza par exemple, dernier jeu d'Antoine Boza, tiens, petit joli lapsus, on a quelque chose qui de l'optimisation de la mise en page des règles jusqu'aux mécaniques de jeu est hyper fluide. Oui, mais après, l'autre grosse nuance, en termes d'interface, justement, on est dans un rapport interface, on va dire pour faire simple, être humain à être humain dans le jeu de rôle, dans le cadre du jeu vidéo, et c'est là où ça peut être intéressant, on est dans une interface être humain ou homme-machine, comme on l'appelle pour faire simple, et on n'est pas dans le même rapport et dans la même dimension de calcul cette notion d'élégance en jeu. Le maître de jeu, il rajuste au fur et à mesure, mais il n'est pas imperméable aux réactions des joueurs, etc. le jeu vidéo ne va être toujours que l'estimation la plus variée ou la plus pertinente aux yeux des game designers possible, avec toujours le pari de telle situation permettra peut-être de penser ça et peut-être que cette réaction là on l'aurait même pas supposé. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une petite nuance là-dessus, et dans la façon dont ça peut se lier justement à la notion d'élégance d'interface et de l'œuvre elle-même, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de rôle. C'est hyper intéressant parce que ça me travaille actuellement. Tu parles de la notion d'interface et on remarque notamment que les interfaces vidéoludiques s'accordent très bien à certains jeux de plateau. Je pense par exemple à des jeux comme les cartes Magic qu'on a évoqué tout à l'heure. Qui a une version, je crois, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Oui. Il y a... voilà, par exemple, je sais qu'en free-to-play, vous pouvez jouer à Magic Origins, je crois, ou même Hearthstone, là, qui récemment a... Oui, bien sûr, le phénomène. C'est assez intéressant de voir... que les game designers, en tout cas de jeux vidéo, ont compris que un jeu de cartes, en tout cas, doit être précis, et la machine pouvait s'accorder parfaitement à cette précision. C'est ça qui... Oui, supposition en tout cas, ouais. Parce qu'il y a plein d'éléments, bien entendu, de la communication, enfin de tout ce qui est de la dimension plutôt corporelle, du langage non verbal, qu'une machine. Bon, après, on verra les progrès possible, mais ne retranscrira a priori pas. Il faut jamais dire jamais, comme qui dirait, mais dimension de bluff, tu parlais de poker tout à l'heure, dimension hésitante dans le... C'est pour ça que je parlais de la dimension de corps au début, c'était peut-être pas clair, j'en suis désolé aux auditeurs, mais à coup le pas, mais j'ai mis un temps qui était peut-être un peu cryptique au début en parlant de dimension des corps, mais c'est essentiel, et c'est pour ça que l'interface elle est dans la continuité de cette réflexion-là. De même que là, le problème, c'est que je n'en ai évidemment pas, et je vais faire court aussi, On a le temps. Mais toute la dimension des interrogations, des recherches, qu'elles soient scientifiques ou non, autour de pratique jeu en ligne, pratique en personne. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne passera jamais, de même que hors des pratiques ludologiques. Oui, très chers auditeurs et auditrices, il y a des pratiques hors de la ludologie. Il y a quelque chose qui ne passe pas, évidemment, qui ne passera jamais dans la dimension à distance, qu'elle soit au téléphone, qu'elle soit dans l'expérience de jeu en ligne, même si ça fait naître parfois d'autres rapports, il y a toujours quelque chose. On va prendre un exemple bas du front. Vous faites une partie de Mario Kart ou de Street Fighter en personne à une table, il y aura les coups de coude, il y aura les vannes. Non, les vannes, ça peut passer en ligne si la connexion est stable, touchons du bois, mais il y a quelque chose du regard, il y a quelque chose du contact qui ne passera jamais. Je te rejoins. Comme vous enregistrez un podcast. voilà, tout à fait. Mais je pense que je trahirai pas la question, vu que ça a déjà été évoqué dans d'anciens numéros de Ludologie, mais nous enregistrons à distance. Donc évidemment qu'il y a quelque chose qui ne passera pas de la même manière, en tout cas, qu'une émission enregistrée en personne. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, évidemment. Et après, là, je laisserai de manière ouverte pour pas trop non plus monopoliser la parole, mais je voulais prendre un exemple concret avec peut-être une des tendances les plus en vogue ces derniers temps et qui est reprise au point de l'user et que ça ne veut presque plus rien dire par rapport à son origine. C'est la notion de procédurale qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo. En jeu de plateau, je ne sais pas si c'est... M'étonnerait que ça soit existant, en tout cas dans le jeu de plateau papier, j'espère pas dire de bêtises, mais en tout cas dans le jeu vidéo, la dimension procédurale, c'est-à-dire ces jeux où il y a une dimension d'algorithme et une création aléatoire de plateaux, d'ennemis, en fonction des jeux, de zones, d'objets qui se renouvellent en permanence. Et là, voilà, il y a quelque chose des joueurs qui, globalement, vont être fascinés parce que on a cet objet visuellement esthétique qui va plaire au canon et qui est de beauté quel qu'il soit de votre lieu que vous habitez sur le globe, culturellement, et puis en plus cette illusion du renouvellement, cette dimension non pas permanente, mais cette illusion de renouvellement, et en même temps, et là je vais complètement moi-même me contredire, un des plus gros succès autour de cette dynamique procédurale ces derniers temps, alors là c'est vraiment une espèce de grand écart Volvo à la Jean-Claude Van Damme, c'est qu'on a Binding of Isaac qui a été un carton, alors que il est complètement à l'opposé des canons de beauté, jeux vidéo, de réalisme, etc. On a une belle 2D, il faut le dire, mais on n'est pas dans des jeux, par exemple, de Quantic Dream et compagnie, ou autre grosse machine de Rockstar et compagnie. Et pourtant, bah voilà, il a fait découvrir d'ailleurs ce qu'on appelle le dungeon crawler à beaucoup de et le roguelike à beaucoup de monde. Là-dessus, je renvoie vraiment les auditeurs, pour ceux qui connaîtraient pas les termes, à une émission de Dorian qui s'appelle Merci Dorian, qui est dédiée au sujet, et là vous saurez tout du dungeon crawler et du roguelike, mais voilà, donc c'est intéressant de voir ces moments où on s'attend pas du tout et on voit un jeu arriver qui contredit tous les pronostics et tous les discours tels que les publicitaires ou les marketeurs veulent bien nous faire croire que ce sont, voilà, l'élégance c'est ça, bah non, finalement ce qui va plaire aux joueurs c'est ça va être d'incarner Isaac, ce petit personnage complètement informe qui se perd dans les limbes de donjons qui ont des murs qui ressemblent à des espèces de corps et d'autres créatures encore plus informes que lui, donc voilà, finalement c'est... On va revenir à ce que tu disais avant dans le terme d'élégance au niveau des décors. Tu faisais juste avant ça, on parlait d'interface. Au final, pour résumer, en tout cas dans le jeu de rôle, ce serait cet espace, ce champ de liberté entre chaque joueur qui peut créer et interagir sur le jeu. Sur le jeu de plateau, ce serait les pions, les plateaux, etc. Et pour en tout cas ce que tu connais bien, le jeu vidéo, ce serait la manette. Peut-être, est-ce que tu peux nous... Toi qui connais bien, qui a pas mal fait de rétro gaming, si j'ai bien entendu sur les podcasts de Jeux Game, moi non plus. En tout cas, tu as l'air de jouer à des vieux jeux. Et pourtant, actuellement, pour jouer à certains vieux jeux, on est obligé de faire ce qu'on appelle de l'émulation, qui propose un tout autre régime d'expérience, puisqu'on n'a pas les manettes d'origine. Oui, tout à fait. Et justement, en quoi ça change l'expérience ? Après, c'est des questions de compromis plus ou moins extrêmes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a certains jeux qui ont été pensés avec... si on reste vraiment focalisé, vu que c'était ta question sur les contrôleurs, donc les manettes, il y a certains jeux où c'est vrai que la config des boutons fait que, bah oui, par définition, on prend une manette dont les boutons sont situés sur les tranches, alors que normalement ils doivent être accessibles très rapidement, ça peut tout à fait biaiser. Après, c'est vrai que, sachant qu'on peut faire une reconfiguration ou mapping pour les joueurs aguerris des touches de plus en plus facilement, on peut retomber sur ses pieds. Bon, globalement, moi je suis pas, je vais faire fuir les esthètes qui ne jurent que par la ressortie du format cartouche et la manette qui va bien, mais très sincèrement, à quelques rares exceptions près, je les ai pas forcément en tête, on s'en accommode très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impact particulier sur, à mon sens, sur l'expérience de jeu. Il va y avoir des discours complètement qui vont venir peut-être déconstruire ce que je viens de dire, et je les admets tout à fait, mais globalement, dans mon expérience de jeu, ressortir un Mario, un Punch-Out sur NES avec une manette de type PlayStation 3, Xbox, ou même une manette, une Wiimote, ça ne m'impacte pas plus que ça, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant, parce que c'est un débat qui revient effectivement dans dans certains débats. Je pense à ça, puisqu'en fait, je me dis que le comparatif qu'on pourrait faire, c'est comme si on jouait aux cartes Magic avec des cartes qu'on a recopiées ou qu'on a dessinées nous-mêmes, non ? Alors ça, je sais pas. Peut-être que je te laisserai prolonger ton idée parce que je ne vois pas le parallèle. Moi j'en ai un autre pour rester sur le jeu vidéo, mais peut-être que je vais te laisser toi prolonger ton parallèle avant de m'aventurer sur le parallèle plus vidéoludique que Par exemple dans le cas de, bon, j'ai utilisé le cas des cartes Magic parce que il y a tout un univers qui est détaillé à travers le dessin, à travers le design, etc. Mais j'aurais très bien pu prendre le cas des échecs, essayer de jouer les échecs avec des deux simples pions où on dirait bah tiens celui-là ce serait le roi et celui-là c'est le fou. Alors. Oui, on lui donne la valeur roi, on lui donne la valeur, oui bien sûr, tout à fait, comme toutes les itérations commerciales qui changent les pièces en je ne sais quel personnage justement d'une licence juteuse. Oui, il y a ça, et encore même dans les variations de licences juteuses, il y a cette représentation de fou, enfin voilà, selon les petits chapeaux, ce genre de choses. Mais enfin vraiment, c'est, par exemple, imaginons un jeu d'échecs neutre où toutes les pièces se ressemblent, est-ce que ce serait encore les échecs? Bah, à partir du moment où, avant de commencer la partie, on s'est dit écoute Adrien, tu sais que tu connais la répartition des pièces en échecs, bah là il se trouve qu'on n'avait que des pions, je sais pas ce qu'ils ont fait les gars du coin, ils ont pris les formes différentes des trucs, bah voilà, on connaît la répartition tous les deux, bah on retient dans notre tête et on sait que mon pion je le déplacerai comme un pion, et l'autre, même s'il a une forme de pion, je sais qu'il est tout en bas à gauche ou en bas à droite c'est pas du damier en plus, des cases, et je sais qu'il aura un déplacement de tour, donc après si on l'admet comme ça, je pense que la partie peut tout à fait se faire, même si retenir après, c'est l'intérêt des formes, c'est qu'on n'a pas besoin de retenir en fonction des déplacements de la partie quelle pièce à quel rôle, on va dire, pour faire simple. Mais ça peut tout à fait être possible pour des gens qui ont une bonne mémoire, parce que je pense que n'arriverait pas à faire pour mon cas. Ouais. Mais ça peut être admis si on se détermine ça. Enfin, je sais pas si ça te semble cohérent. Bah, en fait, je disais cet exemple en cherchant un autre, en fait. Mais ça y est, j'ai retrouvé l'exemple type de jeu élégant ou pas, je vous laisse juger, mais qui est non réplicable, qui est, enfin en tout cas non réplicable virtuellement comme on pourrait le faire sur les échecs comme on vient de le faire, en attribuant des valeurs à des pions neutres. Il s'agit le cas de la Pain Station. Vous savez, une sorte de pong où chaque joueur se fait face. Et celui qui perd le point reçoit une petite décharge, je crois. Oui, tout à fait. Une décharge électrique, mais je crois que ça a même été adapté à d'autres types de jeux, type jeux de combat ou des choses comme ça, que les coups pris envoient une décharge ou des choses de ce type-là. Oui, tout à fait. Voilà un jeu qui, en tout cas, on n'est certes pas élégant dans son... en tout cas pas agréable dans son expérience. C'est autre chose, oui. On n'est plus sur la question d'élégance. Ouais. On n'est plus forcément dans la notion d'élégance, dans ce qu'elle paraît d'évident, mais en tout cas, elle montre une harmonie entre son intitulé, son postulat, et comment cela prend corps, justement. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça se retrouve pas justement dans certains, par exemple, je pense à Track and Field, ce jeu d'athlétisme où il fallait taper vite sur des boutons. Oui, il y a quelque chose là, la tension des corps. Mais après, même pour faire une pirouette complètement insoupçonnée, parce que les gens vont me dire, mais comment est-ce qu'il fait pour passer de Track and Field à de nouveau à Dark Souls? Mais là, c'est une dimension que je pourrais pas développer sur le seul temps de l'émission, mais c'est le fait d'admettre qu'il peut exister des tensions agréables. Et ça, c'est tout un débat aussi sur le game design et en particulier sur le jeu vidéo, parce qu'en général, dans les jeux d'échecs, il y a aussi la dimension d'ergonomie que tu posais juste avant avec les manettes, qui fait que le jeu vidéo, même s'il y a beaucoup de joueurs aguerris qui vont dire oh bah non, ils exagèrent, moi j'ai ma manette en main, en plus elles sont faites pour ça, il y a des ergonomes qui sont embauchés, voilà. Mais il y a énormément de joueurs, contrairement à ce qu'on veut penser, qui ne supportent pas le jeu vidéo, non pas parce que l'univers ne les intéresse pas, ou parce que les propositions de game design, level design les repoussent, mais tout simplement parce que la tension inhérente au maintien de la manette et au stress relatif est insupportable pour eux ou pour elles. Tout bêtement, il y a une prise en main de la manette qui exige tellement de tension que ça n'en est pas tolérable. Quand tu regardes, tu parlais de la Pain Station, d'une certaine manière, il y a une dimension, même si elle est très très moindre, il y a une dimension, il y a un embryon, je trouve, de masochisme dans la dimension de vibration dans les manettes, d'une certaine façon. Même si on regarde les notices que personne ne lisait, mais qui indiquaient que si on avait des soucis d'articulation ou des problèmes au niveau des os, il fallait pas jouer avec des fonctions de vibration, il y a quand même quelque chose d'un fond de cet ordre-là. Mais voilà, après, oui, pardon, je faisais un parallèle entre Track and Field et Dark Souls. Parce que on avait parlé lors d'un de nos numéros de podcast de Je Game Moi Non Plus, la notion de sadisme et de masochisme comme étant de toute façon une dimension, comme étant un ensemble en fait. Et il y avait ce fameux rapport, bah, dans Track and Field, il y a 40 ans, des récits de joueurs, c'est de se dire j'ai plus de doigts, je me suis fait des cloques, mais ce qui est, si on regarde des critères esthétiques pas très élégants, c'est le cas de le dire, mais pourtant voilà, on dépasse la souffrance. Il y a des gens qui vont jusqu'à se trouer leur t-shirt parce qu'apparemment c'est une astuce d'initiés qui prennent leur t-shirt et qui, justement, pour pas s'esquinter les doigts, le frottent sur la manette, et pourtant on le fait quand on veut. On va dire ça comme ça. Dark Souls, c'est pareil, c'est-à-dire que la proposition, elle est éminemment cruelle et impitoyable dans le jeu. Il n'y a qu'à voir la promo du jeu, c'est des trucs du genre, vous allez adorer, vous allez mourir de nouveau quand Dark Souls était sorti, vous allez adorer mourir, et ce qui était très intéressant, c'est une phrase que je reprends très souvent et qui avait motivé notre deuxième volet sur le masochisme dans le jeu vidéo, qu'à la base on ne pensait faire qu'une émission que sur le sadisme, mais on l'a pensé, moi je l'ai pensé en partie grâce à cette phrase qui est de, je crois que c'est Hidetaka son prénom, Miyazaki, donc qui est le responsable de la série des Souls, justement, à qui on avait dit mais vous êtes un profond sadique, qui est déjà pour avoir pensé des jeux pareils, et lui répondait ah non pas du tout, moi je suis un masochiste patenté, parce que ces jeux là je les ai créés parce que je n'ai jamais trouvé une expérience de jeu suffisamment sadique, suffisamment dure pour être satisfait. Donc il y a quelque chose, une recherche d'une certaine forme, c'était sa recherche de l'élégance qui a permis de créer le best-seller, la vente internationale qui a été Dark Souls d'une certaine manière. Et c'est une phrase que je trouve vraiment emblématique, moi je trouve, chez game designer de jeux vidéo, c'est quelque chose d'une vraie pensée d'un jeu, d'une vraie réflexion d'un game designer sur son rapport à une dimension, en l'occurrence le sadisme et le masochisme. Je trouve ça très très intéressant à ce niveau-là. Et si tu m'y autorises, je voulais faire un pont avec la question que tu me posais sur l'ergonomie des manettes tout à l'heure. Il y a un exemple que je trouve extraordinaire et qui met tout le monde d'accord. De ce que tu me disais tout à l'heure, toi tu as assisté souvent à des débats de gens qui disaient il est hors de question de ne pas jouer avec une manette autre que celle qui a été pensée pour le jeu d'origine. C'est ça, en substance. Oui, c'était ça. Voire même que ça pouvait renvoyer à des dimensions d'élégance de comment on considère le rétro gaming, même si je commence de moins en moins à apprécier ce terme, et qu'en gros on est on, on n'est pas un ou une vraie si on n'a pas une manette NES sur un jeu NES, sur une console NES. Alors oui, la question se pose effectivement sur les consoles qui commencent à dater maintenant, mais aussi sur les bornes d'arcade. C'était Mathieu Triclot qui nous disait ça l'année dernière dans le podcast qu'on a enregistré avec lui. Il nous racontait que au Stunfest, donc festival du jeu vidéo organisé à Rennes, les super players japonais qui venaient disaient ouais non c'est bien ce festival mais il manque un truc, c'est pas la salle d'arcade. Et donc il y a quelque chose qui est du corps, qui est de l'odeur, du bruit, etc., qui montre un plaisir de jeu très particulier, celle d'être voilà de alors là on, oui je dis les corps, les odeurs, etc., mais aussi social. Par exemple, ce qu'il racontait, c'est que les super players là-bas, c'est ils repèrent la salle avec le super player, ils y vont, ils regardent le mec jouer, et ainsi de suite. Oui, après, c'est, je pense que c'est toute la question de la routine de l'athlète, ses repères, de même que si vous allez aimer jouer au basket, vous allez, au bout d'un moment, si vous avez un certain niveau, vous allez essayer de repérer le playground, le terrain, où il y aura des gens qui, une fois que vous aurez été capable de mettre des crossovers, des passages entre les jambes de vos adversaires de votre quartier, où ça joue un peu mieux. Oui, bon, ça, c'est pas vraiment, je pense, la question des corps à proprement parler, c'est plus une logique de continuer à s'améliorer, parce que le rapport, c'est des rencontres là finalement, c'est juste qu'ils sont hors de leur contexte familier et culturel. Mais l'exemple que je voulais te donner, c'est Mario Maker en fait. Mario Maker qui est complètement en plus dans l'actu, Super Mario Maker qui est sorti sur la console Wii U et dont le concept, grosso modo, c'est une espèce de imaginez tous les Mario qui ont plus ou moins soit bercé votre enfance ou jalonné votre vie de joueur de jeux vidéo, et ben on vous donne l'éditeur de niveau, vous en faites ce que vous voulez. Et là, c'est extraordinaire parce que par rapport à la question qu'on se posait, le jeu fait complètement consensus. D'ailleurs, c'est un succès, je crois qu'il s'en est vendu 1 million d'exemplaires. Et pourtant, personne jusqu'ici, peut-être nous sommes les premiers, n'a relevé l'incongruité de faire ça avec un contrôleur de manette Wii U, quoi. Un gamepad. Ou même... Je suis d'avoir vu ça, ouais. Même si c'est pas un gamepad, une manette pro qui ressemble plus ou moins à celle de la GameCube, à quelques variations près. Et personne ne s'en... Il n'y a pas de gens qui vont faire « Ah oui, mais moi, j'ai pas vu de retour, même chez des acharnés qui font leur run sur Nintendo, première du nom, pour le premier Mario, pour Super Mario Bros. Dire « Ah ouais, mais... » Et ça fait consensus. Parce que l'expérience proposée, ergonomiquement, elle est viable. Il y a la proposition de base de pouvoir créer et rejouer sur ces... et recréer ces univers qu'on a fréquentés et les habiter d'une manière différente et de proposer une création sur cette base de licences juteuses comme je disais tout à l'heure. Et ça recroise presque la question aussi qu'on se posait pour les cartes Magic d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles sont redessinées, redistribuées, les cartes par les joueurs. C'est une très belle métaphore. Après, c'est vrai que Nintendo a ce talent de mêler ces jeux virtuels et leur matérialité via le gamepad. C'était d'abord des vendeurs de jouets, faut pas oublier ça, et c'est vrai qu'ils sont très très forts là-dessus, hein. Là-dessus c'est clair et net. Mais qu'est-ce que c'est sinon une transposition par écran interposé de nos jeux d'enfants avec des poupées ou des figurines? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette espèce, on n'est pas dans la même dimension. Alors je vais utiliser un gros mot que je vais tout de suite définir, je vous rassure, on n'est pas, alors c'est un jargon un peu psychologique, on n'est pas dans la même dimension visio-haptique. Alors visio-haptique, c'est quand vous allez faire coïncider le fait d'utiliser vos mains avec votre regard, donc le fait, l'impression de le saisir quelque chose, ou la réelle sensation de saisir quelque chose, et comment ça se coïncide avec votre regard, qui est en gros l'essentiel de l'illusion de l'interface des consoles et des jeux sur PC, quoi. Vous avez une manette, vous appuyez, vous envoyez un message dans ce qu'on appelle un input, et vous avez l'output de Mario qui va sauter à l'écran. Ce qui va faire que c'est élégant, ça, justement, pour y revenir, c'est que bah, Mario, on a designé, créé toute une espèce de courbe de ses sauts. On a designé le fait que d'appuyer plus ou moins fort pour que ça renvoie à cette crédibilité de l'input par le corps, le fait que Mario va sauter plus haut si j'appuie plus fort, ou moins haut si j'appuie moins fort. Et là, le tour de force de Mario Maker, pour y revenir et pas trop perdre nos auditeurs et auditrices s'ils sont encore avec nous, ils ont bien du courage, c'est de se dire que bah, c'est ça l'interface que vous avez de double écran, c'est-à-dire l'écran de votre télé à laquelle la Wii U est branchée et l'écran de votre gamepad, c'est exactement ça. C'était le retour du moment où moi, enfant, je prenais mes personnages, je leur disais qu'ils allaient tomber dans un volcan, alors qu'en fait c'était juste une petite bassine d'eau où j'avais fait mousser de l'eau en me disant que c'était de la lave en fusion, et sans compter que là en plus il y a ce jeu de cette dimension de partage qui nécessite pas d'être en personne, qui consiste, une fois le niveau créé, à le partager. Donc on se retrouve un peu dans quelque chose d'autre, de nouveau, mais comme tu le soulignais très bien, avec cette logique qui pour moi n'a jamais quitté Nintendo, et ce qui fait qu'il continue de me séduire comme d'autres consoliers ou autres, mais d'une autre façon, c'est ce savoir-faire et ce rapport au jouet, quoi. Et c'est ce qui en fait sans doute des jeux élégants quelque part. Dernier oui. Tu peux finir. Non, j'allais dire mais là je vais faire vraiment trop long. Il y a un autre jeu qui n'a rien à voir, et puis après on va encore me charrier si j'ai des amis ou des gens qui me connaissent de citer, puisque j'en fais la promo partout. C'est Splatoon par exemple. Splatoon, qui est ce jeu qui est sorti aussi sur Wii U, et qui consiste en gros dans, on incarne un petit personnage qui fait des personnages qui font du paintball, donc qui se tirent dessus avec de la peinture, et on peut s'immerger dans la peinture et se déplacer. Enfin, qu'est-ce que c'est si ce n'est de la sensation qu'on a tous eue en bas âge, à mettre les mains dans la peinture et à les coller sur le papier après pour voir la retranscription, ou même là je vais complètement m'enflammer comme ça, au moins je sais que je te laisse la parole sans aucun regret, que des sensations, bah je parlais de visio-haptique, bah les sensations des premiers hommes des cavernes, quoi. C'était ces plaisirs corporels d'interaction, l'ancêtre de la console, c'est pas les systèmes d'interface qu'on veut bien nous dire d'Oxo et compagnie, de Morpion qu'il y a eu à l'université. Non, c'était les hommes des cavernes qui faisaient une retranscription de leurs mains sur les murs, ou qui retranscrivaient des dimensions plus ou moins animées et dessinées de leur quotidien. Amis auditeurs, amis game designer, voilà, maintenant vous avez la notion d'élégance de Mehdi Debabi Zourgani. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant, et c'est vrai que Splatoon arrive ce tour de force de créer un jeu de shoot, un jeu de guerre sans faire la guerre, et c'est ça qui est très très fort. Ça change, et c'est tant mieux. Mais il y a une nouvelle veine quand même pas mal là-dessus, sur le fait on parlait d'RPG, il y en a un dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui marche beaucoup sur le fait de négocier plutôt de se battre, qui est un jeu qui a été fait, je crois, par des anglo-saxons. Enfin, bon, bref, je m'égare, désolé. C'est pas grave. Dernier point, et après on va commencer à dire au revoir, parce qu'on arrive quand même à une heure de podcast. Essayons de faire un petit peu de prospective avec ce que va proposer, soi-disant, ou pas, on le verra, fameuse réalité virtuelle, avec tout ce qui est Oculus et autres bidules à se mettre sur les yeux. Quelle est ta vision, toi, qui t'intéresse justement à ces notions de corporalité du corps? En fait, je suis un très très mauvais client pour cette dernière partie, parce que je suis absolument pas partisan, et pour l'instant, pas grand chose ne me donne envie de m'y mettre ou d'expérimenter dans ces dispositifs-là. Je ne sais pas, je ne me l'explique pas, mais moi je pars d'un principe absolument pas réactionnaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, il faut tout de suite arrêter les développements de casques de réalité virtuelle ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire que ça ne m'attire absolument pas, et il y a tellement de possibles encore dans les formats de création ergonomiques tels qu'on les connaît, clavier, manette, souris, ou des dispositifs tels qu'ils sont expérimentés hors du champ grand public mainstream, dans des festivals, parfois dans des expositions. Ça en fait partie, hein, d'ailleurs, les casques de réalité virtuelle sont vachement. Mais voilà, pour faire simple, moi je suis pas je suis absolument pas partisan ni attiré par cette dimension là. Et puis ce qui me refroidit beaucoup, c'est le retour de gens qui n'arrêtent pas de dire que il y a encore une latence assez folle, il y a encore ceci, il y a encore cela. Peut-être que plus tard, quand je commencerai vraiment à avoir des discours de gens qui me disent que c'est quand même très calibré et ainsi de suite, pourquoi pas. Mais voilà, pour faire simple. Eh ben c'est pas grave, ma question était un bide, c'est pas, tant pis. mais en tout cas, il y avait un dernier point, peut-être, je sais pas si toi tu voulais prolonger justement sur cette la question de... Vas-y, je t'en prie. Mais c'était un parallèle que je faisais entre l'élégance dans le jeu, l'élégance et la performance, qu'encore une fois on trouve beaucoup dans le jeu vidéo. On peut la retrouver aussi dans le jeu de rôle évidemment, mais on va plus la retrouver dans le sens qui moi va vraiment m'intéresser, de performance au sens presque théâtral. Dans le jeu vidéo, moi je trouve qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a très souvent la dimension d'élégance, elle va être mise en avant par la performance au sens de la réussite. Tu parlais tout à l'heure des tournois et ainsi de suite, qu'évoquait Mathieu Triclot et les personnes qui fréquentent le Stunfest sur les jeux de baston entre autres, les jeux de combat, donc que ce soit dans les tournois, dans les super plays, quand on chorégraphie une partie pour le show, il y a vraiment un truc du moment, il y a vraiment quelque chose de il faut qu'on capte ce moment, c'est extraordinaire, l'athlète se dépasse, de même que quand Zidane avait mis sa tête contre le Brésil en 98, il y a quelque chose du moment, c'est dépassé. Voilà, bon, c'est chouette pour le show et compagnie. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a chez les connaisseurs de jeux de combat, il y a ce qu'on appelle l'Evo Moment, qui a été un combat entre deux joueurs de jeux de baston. Donc un qui s'appelle Daigo, qui est Daigo Umehara, et un joueur américain qui s'appelle Justin Wong. Et à l'issue de ce combat, il y a une séquence complètement folle. Bon, j'épargne les détails pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. On va pas expliquer le système ici, sur un jeu qui s'appelle Sir Strike, et où Daigo a paré tous les coups de son adversaire avec un truc qui demande une dextérité complètement folle et un zen absolu. Et voilà, ça je dirais c'est la dimension où très souvent on va parler justement d'élégance, c'est-à-dire ce truc complètement maîtrisé, ce truc complètement au niveau du show, improbable, mais qui en même temps dépasse les concernés, parce que Daigo évidemment dans sa tête il l'avait peut-être expérimenté, s'était peut-être entraîné à parer, mais rien ne remplace le moment du tournoi, l'angoisse et compagnie. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a une autre veine qui est en train de s'ouvrir en termes d'élégance et de choses valorisées. C'est plutôt une espèce d'éloge de la maladresse. Alors ça va peut-être te paraître curieux, mais j'ai un exemple assez concret. Ce sont les youtubeurs. Jeux vidéo ou autre, mais particulièrement sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que avant, dans nos pratiques de jeu, on cachait un peu nos parties de jeu ou nos corps. On avait un rapport, bon, on pouvait avoir ces parties de jeu à plusieurs, mais en règle générale, ça restait plutôt, peut-être pas de l'ordre de l'intime, ça le reste encore maintenant, mais plutôt quelque chose seul. Maintenant, déjà, ça se donne à voir, de par les outils techniques, le désir d'avoir un discours dessus, mais aussi, surtout, ce qu'on cachait avant, et ça, ça par contre ça a été un gros tournant, ce qu'on cachait, à savoir l'échec, le fail comme on dit pour refaire de l'anglais, c'est mis sur un piédestal. C'est-à-dire qu'avant c'était le truc qui donnait les excuses pas possibles, non mais j'ai raté, mais j'étais pas concentré, ou ceci ou cela, et maintenant c'est mis en avant. Moi je compte plus les chaînes YouTube qui cartonnent, parce que finalement ce sont des personnes qui n'ont pas une dextérité folle, mais qui vont expérimenter l'échec, d'échecs. Il y a notamment un type qui s'appelle Hooper qui avait réalisé des séquences hilarantes où en fait il avait pris des défis de joueurs sur GTA 5, des défis complètement absurdes du genre tu vois prendre un tremplin d'un panneau publicitaire sur l'autoroute et atterrir sur l'immeuble d'en face, tu vois le truc de la physique dans la vie de tous les jours complètement et toute sa séquence de jeu tournait à faire ça et c'est non seulement hilarant et en plus ce type questionne complètement les limites du jeu en termes d'interface, de design, de level design et puis ce qu'on injecte dans le jeu, c'est-à-dire ses propositions qu'il prend d'autres joueurs et qu'il expérimente et qui valorise par le fait de réussir ou de rater justement. Et voilà, ça je trouve que c'est un truc un peu nouveau et assez chouette qui a été expérimenté un peu il y a quelque temps mais dans une autre forme par ce qu'on appelle les machinima, donc les réalisations de courts, moyens ou longs métrages via des moteurs graphiques de jeux existants. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dans la même veine et ça vient mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière un peu trop organisée que comme quoi l'élégance est notamment réussite, performance à tout prix, beauté de symétrie et de représentation artistique comme on les entend seulement en Occident. Enfin voilà, c'était le dernier point à défaut de t'avoir répondu sur les casques de réalité virtuelle sur lequel je voulais m'étendre. Eh ben, c'est très bien, tu m'as donné beaucoup de pistes, en tout cas de réflexion, et je pense que nos auditeurs auront apprécié. On a vu effectivement la notion d'élégance, mais aussi de style, de performance. Et donc vient maintenant l'heure de la dernière question, beaucoup plus simple à répondre sans doute. En ce moment, Mehdi, à quoi tu joues ? Ah, pas si simple que ça, que tu vois. Écoute, sans surprise, vu ce que j'annonçais un tout petit peu avant, à Splatoon. Je sais pas si je vais m'étendre vu que je l'ai déjà fait juste avant. Je ne me lasse absolument pas de m'immerger en forme de calamar, parce que oui, on l'a pas précisé tout à l'heure, on incarne des petites créatures humanoïdes qui, passaient leur genre masculin ou féminin, se transforment en calamar lorsqu'il et elle s'immergent dans la peinture. Et je me lasse pas, rien que à chaque partie, au-delà du résultat du fait d'avoir gagné en ancrant le plus de zones sur le terrain ou pas, de me balader en forme de calamar dans la peinture et d'expérimenter des cartes que je connais déjà pas mal, mais qui sont voilà, tout pour faire simple, c'est vraiment une super réussite et je suis encore et toujours fasciné, comme on disait un peu plus tôt, même si je risque de passer vraiment pour un gros fanboy de Nintendo et que j'aime tous les supports, mais il y a quelque chose, il y a un supplément d'âme et quelque chose sans cesse créé du côté de créer et recréer du côté de l'enfantin chez Nintendo, mais du côté de la, moi je fais toujours cette distinction qu'on a et qu'on ne fait pas entre enfantin et infantile. Pour moi, il y a certains jeux vidéo qui sont profondément qui sont des PEGI 18 et qui sont profondément infantiles parce que ce sont des mises en avant de pure violence, mais de violence pour violence et sans aucune réflexion, sans aucune dimension de recul et de possibilité de rejouer, j'en sais rien, des réflexions sur des traumatismes ou quoi que ce soit. Et gars enfantin, c'est-à-dire ces expériences de jeu qui nous renvoient à des sensations vraiment soit toutes corporelles ou à des sentiments qu'on expérimente des fois très rarement ou très difficilement. Et Nintendo là-dessus continue de me surprendre. Et voilà, c'était Mehdi des Babies Organi. C'est bien. Non mais c'est bien, au moins il y a des choses à dire et tu as ouvert encore plein de pistes pour d'autres podcasts. Il faut savoir m'arrêter et tu le fais très bien. D'ailleurs, je m'excuse platement auprès de vos auditeurs, auditrices, s'il y a besoin de sources ou quoi au cas, je m'engage à prolonger le débat sur les commentaires de Ludologie, parce que je sais que j'ai envoyé pas mal de choses et pas mal peut-être de réflexions pas forcément claires. Voilà, c'est dit. Et moi, je vous invite à écouter les podcasts de Je Game Moi Non Plus, qui sans doute exploreront bien, bien plus en détail tout ce qui a été dit par Mehdi. Voilà. Ouais, j'en profite aussi, excuse-moi Adrien, juste avant la fin, pour préciser en fait que je lancerai également une série de courant octobre, à tout casser début novembre, une série de podcasts, encore une fois autour du jeu vidéo. Donc je tiendrai au courant. Donc si vous avez l'occasion pour vous tenir au courant, vous pouvez me suivre notamment sur Twitter où je publie tout ça sur D_Mehdi, M-E-H-D-I. Donc voilà, ça vous permettra de vous tenir au courant. C'était le micro instant publicité, je suis désolé. Donc voilà, n'hésitez pas donc à le follower et à suivre en tout cas le parcours ludique et vidéoludique de Mehdi dans Je Game Moi Non Plus. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec, je l'espère, un manuel de retour. On croise les doigts. Et peut-être, qui sait, d'autres parcours ludiques. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de ce numéro de Ludologie. À très bientôt. Salut. Salut.